الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. Alors, nous avons parlé la dernière fois, bon, nous sommes arrivés à la 13e leçon de cette série de Doros sur l'Itqan de l'imam Suyuti. Nous avons parlé la dernière fois des, bon, des 7 qira'at recensées par, par Ibn Mujahid. Et nous avons parlé aussi des 3 qira'at recensées par Ibn al-Jazari, ce qui fait en tout 10 qira'at. Bon, je vais continuer directement aujourd'hui. Pour définir le qira'a, c'est quoi le qira'a exactement? Définition de technique de qira'a. Bon, le qira'a, c'est une science, ilm, qui étudie les différents modes de prononciation et les différentes façons d'écrire certains mots du Coran. En attribuant tout cela à leur transmetteur. Alors, c'est-à-dire la référence, l'isnad. Bon, c'est une définition. Il est difficile de trouver une définition complète de la qira'a, mais j'explique. C'est une science qui a pour objet les différentes façons de prononcer des mots du Coran, certains mots du Coran. Certains mots du Coran se récitent de différentes façons. Donc, c'est une science qui a pour objet les variantes. C'est une science du khilaf, divergence, pas divergence, la divergence blâmable, mais la variation, le khilaf instructif, la divergence instructive qui élargit la voie khilaf, enrichissant. Bon, c'est une science qui étudie les différentes façons de prononcer certains mots. Et c'est une science qui est pour l'objet les différences d'écriture de certains mots. C'est ce qu'on appelle le khilaf al-kalimi ou le khilaf al-farshi. Différence de prononciation. Inna alladhina kafaru sawa'un 'alayhim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ça c'est Hafs. Warsh. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون سيورش مد الهمز مد الميم الجمع كي يدغيغ اون همزة دونك سي ديفيرونس دو برونونسياسيون لا فراز اي لا ميم لي مو ريست لي ميم ليكريتور اي لا ميم ليكريتور اي لا ميم مي لو مود دو برونونسياسيون شانج ديفيرونس دون لا برولونغاسيون دي فوايل فوالا سا سي ديفيرونس دو برونونسياسيون دون سو سونس لا ستادير الإدغام المد الإمالة والضحى والليل إذا سجى حمزة والكسائي والضحى والليل إذا سجى دونك هي اون انكلينيزون خلاف الفرش الديفيرونس دون لو فرش سي ديسبيرسي ستاف دير سيغتان نون سيغتان مو دي كورون ديفير بار les points diacritiques ou par les, comme ça il y a une certaine différence entre comme wanzur ila al'idami kayfa nunshizuha thumma naksuha lahma dans sourate al-baqara wanzur ila al'idami kayfa nunshizuha thumma naksuha lahma nunshizuha ça c'est qira'at le qira'a que vous récitez dans Hafs an Asim c'est qira'at Asim que ce soit la riwaya de Hafs ou Shu'ba, Qira'at ibn Amir, Qira'at Hamza, Kisa'i aussi. Et il y a une autre. وَنْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِرُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمَا. Ça c'est Qira'at Nafi'a. Regarde aux ossements comment nous les ressuscitons et nous les revêtons de chair. Dans Surat al-Baqara. C'est-à-dire là, il parle de comment Allah subhanahu wa ta'ala a ressuscité l'âne de l'homme qui s'est demandé comment Allah subhanahu wa ta'ala ressuscite les vivants. D'accord? Donc, Nunshiruha, Nunshizuha. La différence, c'est dans quoi? C'est dans Ra et dans Za. Donc, Nunshiruha, et on arrive à Ra, il y a un point sur le Ra, ça fait Za. Donc c'est un khilaf, ils disent farshi, c'est-à-dire c'est un khilaf dans le mot lui-même, dans son écriture. L'autre khilaf, c'est dans le mode de prononciation selon les règles du carré. Parce que chaque fois que le mime du pluriel rencontre une hamza, il prolonge le mime quand il met la liaison. Sinon, quand il s'arrête, il dit... Comme par exemple, il dit sawa'un 'alayhim. Mais s'il s'arrête sur 'alayhim, il dit sawa'un 'alayhim. Il ne prolonge pas. D'accord? Mais quand il fait la liaison, il prolonge le mime. Ça, c'est une règle qu'il suit dans tout le Coran. Et donc, ça, c'est la différence de prononciation. Le farsh, c'est comme ce que je vous ai dit. Il y a différence dans la voyalisation, différence dans le mot lui-même. C'est-à-dire que à la place ici de Ra, il y a Z. Comme par exemple, Fatabayyanu et Fatathabbatu, dans Surat al-Hujurat. Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ça, c'est Qira'at Asim, riwayat Hafs. Et Nafi aussi. Dans le. Selon un autre qira'a, Fatathabbatu. Fatathabbatu. Là, il n'y a plus Fatabayyanu. Fatathabbatu. Il y a différence entre le ça et le ya. Il y a aussi le ta à la fin, le ta qui précède le waw et le nun. Fatabayyanu. Fatathabbatu. Fatathabbatu, ça c'est qira'at Hamza al-Kisa'i ou Khalaf. وأحاطت به خطيئته. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. خطيئته عاصم il l'a récite comme ça. Mais نافع خطيئته il prolonge خطيئته. Là c'est خلاف فرشي, c'est-à-dire le mot, il y a des différences. Entre donc qira'at nafi' c'est sa khati'atu et Abu Ja'far aussi il récite comme ça. Ça c'est concernant la définition de qira'a. Donc premier élément c'est différence de prononciation, différence du farsh, ce qu'on appelle le farsh comme je vous expliquais, certains mots ils diffèrent dans leur dans la ponctuation, dans les points diacritiques ou dans les voyelles, et qui sont dispersées, c'est-à-dire qu'ils n'obéissent pas à des règles comme la règle de l'idgham, de l'imala, l'élision, l'imala, la déclinaison, ou le mad de prolongation, s'il est derrière un hamz, ou etc. D'accord? Donc, ça, c'est. On a parlé de ça. Troisième élément de cette définition, c'est la chaîne des rapporteurs, qui remonte jusqu'au carré. Donc, quelqu'un qui maîtrise le mode de prononciation des lettres et des mots, qui maîtrise comment par exemple Asim prononçait les lettres et comment écrivait certains mots. Il connaît la riwaya de Hafs, il connaît la riwaya de Shu'ba avec leurs différences. Il maîtrise tout ça, il connaît les différences d'écriture et qui a appris par la mashyakha, c'est-à-dire il a appris ça de la bouche du cheikh, dont la chaîne remonte jusqu'à Asim. On dit qu'il est qari selon Asim. On dit qu'il est qari. Selon Asim, les grands qurra comme Abu Amr Dani, Ibn al-Jazari, al-Ja'bari ou autres, hein? Ces qurra-là, c'est selon les dix qurra, c'est pas seulement ça. Ils citent l'isnad, ils disent voici mes chaînes de rapporteurs qui remontent jusqu'à Nafi' ou qui remontent jusqu'à Warsh, etc. Donc, concernant la ratification d'une qira'a, et ça, on en a déjà parlé, c'est-à-dire qira'a qui est acceptée, les critères d'acceptation d'une qira'a, ça, vous le trouverez dans le 23e dans le 22e chapitre. Enfin, c'est du 22e chapitre jusqu'au 27e chapitre de l'Itqan. Suyuti, il a réuni six chapitres en même temps sous un même titre. Il dit An-naw'u thani wa thalithi, An-naw'u thani wa thalithu wa rabi'u wa khamisu wa sadisu wa sabi'u wa l'ishroun, Ma'rifatu al-mutawatiri wa al-mashhuri wa al-ahadi wa al-shazi wa al-mawdu'i wa al-mudraj. La connaissance des qira'at établies par une multiplicité de chaînes de rapporteurs, celles rapportées par un ou plus d'une chaîne de rapporteurs, c'est ce qu'on appelle les mashhur, les qira'at établies par une seule chaîne, les ahad, les qira'at marginales, shaz, les fausses qira'at et les qira'at mélangées avec des mots qui ne font pas partie du Coran. Donc, Suyuti, il a mis ça sous ce chapitre-là. Et il a apprécié ce qu'a dit Ibn al-Jazari à ce sujet dans son livre An-Nashr. Qu'est-ce qu'a dit Ibn al-Jazari? Il a dit كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا وصح سندها فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها. Il a dit Ibn al-Jazari dans le Kitab al-Nashr, toute qira'a qui a été conforme à la langue arabe de quelque manière et elle a été conforme à la graphie d'un des mushaf outhmaniens, ne serait-ce qu'approximativement ou al-ihtimalan, et dont la chaîne de transmission remonte authentiquement aux compagnons wa sahha sanaduha, c'est une qira'a authentique qu'il n'est pas permis de rejeter et qu'on ne doit pas récuser. Fahiyal قراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن ووجب على الناس قبولها. Bien plus, elle fait partie des sept أحرف, des sept formules de prononciation, de mode de formulation avec lesquels le Coran a été révélé. Et il est obligatoire aux gens de l'accepter. وجب على الناس قبولها سواء كانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين. Il a dit qu'elle soit rapportée des sept imams, des sept qurra, c'est-à-dire نافع, عاصم, Al-Kisa'i, Hamza, Abu Amr, etc. Les sept, ou les dix, c'est-à-dire les trois qui restent, hein, Abu Ja'far, Khalaf, hein, ou d'autres parmi les imams approuvés, c'est-à-dire même les autres imams. Ou amata khtalla ruknun min hadhi al-arkani thalatha أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة سواء كانت عن السبعة أو عن من هو أكبر منهم. Il a dit si un de ces trois piliers est défectueux, c'est-à-dire la conformité à la langue arabe, la conformité au rasm et l'isnad, il a dit si un de ces trois piliers est défectueux, la qira'a est qualifiée alors de faible ou de marginale ou de fausse, qu'elle soit rapportée des sept ou de ceux qui sont plus âgés, plus éminents qu'eux. Hein? Donc, voilà les critères. C'est-à-dire que c'est pas, il veut dire que ce n'est pas quand Ibn Mujahid a choisi les sept, c'est pas par hasard qu'il les a choisis, c'est pas par passion, c'est pas parce qu'ils l'ont plu, mais non parce que leur qira'a obéit à ces trois critères. Et il a dit وهذا هو الصحيح هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف. Il a dit c'est celui-là la vie juste adoptée par les critiques et les vérificateurs parmi les anciens et les contemporains, parmi les imams qui font le tahqiq, la vérification des textes et des isnad. Il a dit c'est ça la vie qui est choisie par eux. Et il a cité parmi ses imams vérificateurs, il a cité Abu Amr al-Dani, Muhammad ibn Makki ibn Abi Talib, et Abu al-Abbas al-Mandawi et Abu Shama. Et il a dit Ibn Jazari rahimahullah, il a dit c'est celui-là le madhhab du salaf, on ne connaît personne parmi eux qui soutient le contraire. Et voilà, il y a presque ijma' là-dessus. Donc si la communauté a accepté à l'unanimité les 7 puis les 3, 10 en tout, ce n'est pas parce qu'Ibn Mujahid a restreint leur nombre à 7 par une convention, un commun accord avec un jury ou un concile ou un clergé. Non, ça c'est, il les a recensés, il les a étudiés pour parvenir à ces 7. La même chose pour Ibn Jazari concernant les 3 qui restent. D'accord? Bien sûr, bon, les 10 qira'at remplissent parfaitement les conditions requises et ce sont des conditions rigoureuses et strictes. Les 10 sont mutawatir, ça veut dire les 10 sont rapportés par une multiplicité de qurra, de chaînes de rapporteurs. Et ça, Abu Shama le précise, comme le cite Suyuti dans le livre Itqan. Il y a d'autres qira'at qui sont authentiques. Donc, première condition, la conformité à la langue arabe. De quelque manière, c'est-à-dire acceptable par la grammaire, hein, ou acceptable par la langue arabe, c'est-à-dire les Arabes l'emploient. Qu'elle soit parfaitement éloquente ou d'une certaine éloquence. D'ailleurs, l'éloquence parfaite, c'est quelque chose de relatif. Quelqu'un peut juger quelque chose de terme, une phrase de parfaitement éloquente, un autre le conteste. Donc, le fait qu'elle ne soit pas parfaitement éloquente ne remet pas en cause l'authenticité de la qira'a du moment qu'elle est connue, qu'elle a été reçue par les grands qurra avec un isnad authentique. C'est bon? C'est-à-dire ça, je développe les conditions. Je donne un exemple. Dans le Coran, Allah il dit, dans Sourate Najm, Tilka idan qismatun diza. Quel partage inégal cela ou quel partage inique cela ferait. Ala kumu dhakar wa lahu al-unsa. Tilka idan qismatun diza. Tous les Qur'an récitent diza. Diza, elle est construite sur le shem fu'la. Fu'la. À la base, c'était douza. Déjà, c'est inique, inégal, c'est injustice par exemple. Et elle est construite sur le shem, fou'la, comme j'ai dit, c'est à la base douza, mais par souci de légèreté, les Arabes disent diza. Elle vient du verbe daza. C'est un verbe trilitaire, ejwaf, c'est un verbe trilitaire, creux, comme si je traduis littéralement. Ça veut dire qu'il y a un alif au milieu. Quand un verbe comporte un alif ou un wa ou un ya au milieu, on dit qu'il est creux, qu'il est ajwaf. Donc voilà. Le verbe daza. Ibn Kathir al-Makki, il récite Telka idan qismatun de'za. De'za. Il ne dit pas de'za, il dit de'za. Il fait le hamz. Or, le fait que le verbe trilitaire creux ajwaf soit mahmouz comporte la hamza da'aza, c'est rare en langue arabe. On emploie rarement en langue arabe. Mais certaines tribus l'emploient. Certaines tribus emploient da'aza et de'aza. Ils l'emploient. Donc, les Qur'a l'acceptent. Ibn Kathir al-Makki, il récite de cette façon, tel qu'il est cette qira'a, elle est acceptée. C'est l'un des ahruf. Même si elle n'est pas vraiment éloquente. D'accord? Ça, c'est l'exemple que je vous donne de la première condition. Et comme m'a parlé, Diya'a, huwa alladhi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nura, wa Diya'a, lui Ibn Kathir, selon la riwaya de Qunbul, il récite Diya'a. Il récite avec la hamza, il récite pas avec le ya. Et c'est une qira'a acceptée, bien sûr, c'est une qira'a mutawatira. Donc, beaucoup, beaucoup de qira'at, quand je dis qira'at, certes, des mots du Coran prononcés d'une certaine façon ont été contestés par les grammairiens. Mais leur contestation n'a pas été tenue en considération. Du moment que c'est employé par la langue arabe, par certains arabes, les Qur'a n'ont pas tenu compte de la contestation de ces grammairiens. Ils ont dit, bon, ils l'ont appris de la bouche des chouyoukh jusqu'aux compagnons, c'est bon. Comme par exemple le verset dans Sourate al-Baqarah, Fatoubou ila bari'ikum. فقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم فتوبوا إلى بارئكم Toubou ila bari'ikum. Toubou, c'est un fi'l à l'impératif, un fi'l amr mabni ala hadf an-nun. Toubou, fa toubou. Ila, c'est un harf, ila, harf jar. Et bari'i, c'est jar ou majrour. Donc, un génitif. Et le mot qui vient après un génitif, la particule du génitif, ila, elle est maksoura. Bari'ikum. C'est comme ça en langue arabe, c'est comme ça qu'on la prononce. Il a le madrasati, il a le dari, qara'tu fil kitabi. Donc, du moment qu'on a ces particules-là, min ila an ala bi fi, là, le mot qui vient après, il comporte toujours, il est majrour ou il comporte la kasra. Donc, bari'ikum. Tous les qurra, la plupart des qurra récitent comme ça, ila bari'ikum. Mais on trouve ila bari'ikum. C'est-à-dire un second sur le hamza au lieu de la kasra. Hein? Abu Amr, riwayat al-Yazidi, il récite comme ça, bari'ikum. Hein? Les qurra, ils se fondent sur la transmission orale sûre et ne soumettent pas ce qu'ils ont entendu aux règles de la grammaire. Hein? Ça a été rapporté de tel qari, de la bouche de tel qari. Hein? Jusqu'à Ibn Mas'ud ou Ibn Ka'b ou Abu Darda, c'est bon, il l'accepte. Hein? Tous les autres l'ont entendu ainsi, bon. On le retient pour vous dire qu'il n'a pas, il n'y a pas d'appréciation personnelle de la part du qari. Non, c'est basé sur la, ce qu'il retient de la bouche de son cheikh là-dessus. Hafs par exemple, Hafs, elle est, ce qu'on appelle med sela, le med du ha, la lettre ha, ha al-kinaya. Quand cette lettre est précédée d'une voyelle et suivie d'une autre voyelle, il la prononce dans tout le Coran. Le ha du damir. Innahu kana tawwaba. Dans surat Nasr. Idha ja'a nasrullahi wal fath. Wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh. Innahu kana tawwaba. Inna. Et puis il y a le ha qui du damir. Le ha du pronom. Innahu, ce damir là, on le prolonge deux harakats. C'est mad sila, c'est deux. Innahu, c'est comme un waw qui est devant. C'est pourquoi il marque un petit waw devant le ha. Innahu kana tawwaba. Deux harakat. Du moment, quand il est le ha ici, le hu, il est précédé d'une voyelle. Inna, et devant lui, il y a le kaf avec une haraka. Donc il le prolonge. Hein? Et quand il y a une hamza devant, il prolonge 4 harakats, 4 tons. 4 tons. Selon Riwayat Hafs, on a le choix. Hein? On a le choix. Comme dans Surat. Dans Ayat al-Kursi, dans Surat al-Baqara. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. 4 harakats. من علمه إلا بما شاء. Bon, c'est un mad autorisé, c'est-à-dire on a le choix entre deux harakat et quatre harakat. Donc c'est un ha, ha al-kinaya, ha du qui est un pronom. Il est derrière une lettre qui est une voyelle et qui n'a pas de sukun. Quand il n'y a pas de soukoun ni derrière ni devant, on la prolonge. D'accord ? Mais quand il est précédé d'un soukoun ou devancé d'un soukoun, il y a un soukoun devant lui, on ne le prolonge pas, on ne prolonge pas là. Fihi zulumatun wa ra'dun wa barq. Fihi zulumat. On ne prolonge pas le ha parce que derrière il y a un soukoun, il y a le ya. Et c'est un ya, il est sakin. فيه ظلمات ما أغنى عنه ماله وما كسب ما أغنى عنه مال ما أغنى عنه ماله ما أغنى عنه ماله c'est-à-dire عنه il y a le ha du damir, on fait pas de prolongation parce que avant le ha il y a un sukun sur le nun et quand il y a un sukun on ne prolonge pas le ha عنه Maluhu. Mais regardez, le deuxième ha de Maluhu, On le prolonge en cas de liaison. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Le premier ha, on ne le prolonge pas. Le deuxième, on le prolonge. Ma aghna anhu maluhu wa ma maluhu. On ajoute un waouh. Parce qu'il est précédé d'une voyelle, la dhamma, et il y a devant lui le waouh avec la fatha. وامرأته حمالة الحطب وامرأته et pas وامرأته حمالة الحطب. D'accord? Donc quand il y a haraka derrière, haraka devant, il y a pas de sukun derrière, pas de sukun devant, il prolonge. Mais quand il y a un sukun derrière, il ne le prolonge pas. Ou quand il y a un sukun devant, il ne le prolonge pas. Sauf dans un seul verset de sourate Al-Furqan, sourate 25, wa yakhlud fihi muhana. Normalement, si on respecte, si Hafs respectait sa norme, c'est-à-dire la règle de mettre cela de la prolongation du damir, normalement, il doit pas prolonger le ha ici, mais là, il le prolonge. Wa yakhlud fihi muhana. Et non pas ويخلد فيه مهانة. ويخلد فيه مهانة. Il n'y a pas d'ikhtilas. C'est une prolongation. C'est comme s'il y a un ya devant le ha. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi pas? Parce que l'isnad, s'il a rapporté du sheikh de Asim, il a rapporté de la bouche de Asim cette qira'a-là. Il ne peut pas la changer. C'est bon? Et c'est comme ça qu'il l'a rapporté avec le med et il l'a retenu comme ça. Et c'est comme ça qu'il nous est parvenu. C'est comme ça parce que ça y est, la chaîne remonte jusqu'à un compagnon, jusqu'au compagnon qui se trouve à Al-Kufa, c'est-à-dire Ibn Mas'ud et d'autres. Et c'est comme ça. Ça fait partie des sept ahruf, ça fait partie de la révélation divine. On ne doit pas échanger jusqu'à ce point, jusqu'à même une prolongation. Il n'a pas. Il l'a respecté, il ne l'a pas changé. Pour quelqu'un parmi nous, va dire bon, oh là là, il prolonge ou il prolonge pas, c'est pareil. Non, non, c'est le Coran là. Ça, on joue pas avec. Même le maître, on le respecte. Bon, nous, par exemple, ils peuvent se tromper et tout. Mais les grands Qurra, c'est comme ça qu'ils respectent. Les nuances phonétiques, les prolongations. Les prolongements des moudoud, ils sont stricts là-dessus. Donc ça, c'est exception à la règle. Bien sûr, je ne veux pas citer d'autres exceptions à cette règle, comme Arjih wa Akha, qui se trouve dans Sourate Al-A'raf et Shu'ara. Fa'alqih ilayhim, et yardahu lakum, sans prolongation, dans Sourate Zumur. Et pareil pour aussi Alayhi. Alayhi. On sait que alayhi, c'est comme ça que ça se prononce. Alayhi. Ala, il y a le harf jar ala et damir. Alayhi, ilayhi, etc. Alayhi, ils lisent toujours dans le Coran, on lit alayhi. Et dans un seul verset, il dit وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهُ. Il n'a pas dit alayhi. Il a dit alayhu. Exception. Alayhu Allahu. Dans Sourate Al-Fath. ومن أوفى بما عاهد عليه الله non pas عليه. C'est en grammaire, ça sonne pas, mais là il a prononcé comme ça. Le seul déjà qui s'est distingué des les autres qara, tous ils récitent عليه, et le seul c'est lui. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'il a entendu son cheikh l'a rapporté, et avec un isnad authentique. Si c'était une question d'estimation personnelle, il aurait récité Alayhi. Si c'est par la tête, il aurait récité Alayhi. Donc ça, c'est première condition. Alors, deuxième condition, conformité à la graphie, même de manière approximative, sous-entendue, même de manière indirecte. Comme Malik Yomiddin, ça s'écrit Malik, Mim Lam Kef. Selon le riwayat qira'at Nafi' Malik Yawm al-Din, on a ajouté un petit alif, donc il est indirectement conforme à la graphie du mushaf de Uthman. Voilà. Ça, c'est un exemple de taqdir. Malik et Malik. Tablou et Tatlou, là, c'est une conformité totale avec la graphie. Tahqiqan, ça, il n'y a pas de taqdir. Là, c'est tahqiq direct. Tablou, hunalika, tablou, kullu nafsin ma aslafat. C'est une qira'a qui est conforme à la graphie. Conforme. Et Tatlou, elle est conforme à la graphie. La différence, c'est juste les points diacritiques en dessous ou en bas. Hein? D'accord ? Les points, le ta, le ba dans qira'at tablou et le ta dans qira'at tatlou. Prenons l'exemple de ihdina as-sirat al-mustaqim. Sirat, ihdina as-sirat al-mustaqim, le mot sirat à l'origine, à la base, dans la langue arabe pure, éloquente, ça s'écrit sirat avec le sin. Ça, vous le trouverez dans les livres du tafsir, l'exégèse. Ça s'écrit avec le sin. Le sin, l'asl, c'est le sin en langue arabe. Le sad est un autre harf, mais c'est un harf secondaire. Le sad. Et les scribes, ils ont fait exprès de mettre le sad pour que ce harf ne s'oublie pas, ne se perd pas. Vous avez compris ? Ils n'ont pas mis le sin. Mais ils ont mis le sad. Ils n'ont pas mis le sirat dans son emploi courant en langue arabe. Mais ils ont mis le sad qui est rarement employé en langue arabe. Pourquoi? Parce que la lecture de as-sirat avec le sad, le sad emphatique, hein, soit préservé. Parce que le sirat avec le sin, tout le monde le connaît. Ils disent, bon, les Arabes connaissent le sirat, nous ne vont pas marquer ça. Nous allons leur marquer le sirat pour qu'ils ne l'oublient pas, pour qu'ils respectent l'autre lecture. Regardez l'intelligence des scribes. Si jamais ils avaient mis le sin, sirat avec le sin, les gens oublieraient le sad, puisque de toute façon, il est secondaire. Hein? Ils ne s'emploient que rarement. Hein? J'espère que vous avez... Et Ibn al-Jazari s'est étonné devant... quand il a dit, regardez-les comment ils ont fait, comment ils ont procédé. Il faut méditer. Subhanallah. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Là, c'est... Nafi' Asim, vous lisez as-sirat avec ça de... Tout le monde, Abu Amr al-Kisa'i. Mais la riwaya de Qunbul, disciple d'Ibn Kathir al-Makki, lui, il a mansi le sad. Il dit le sin. اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط سين لو سين حرف الاستفاله كي ني با لا لادت امنسي اهدنا الصراط المستقيم لو سين سي بون روايه سا روايه دو قنبل روايه رويس سي دو سلون لو قارئ يعقوب يا اون ترويزيام ليكتور يا اون ترويزيام ليكتور سا فا ايتوني سيرتان سي اهدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ Ce n'est ni un sin ni un sad, mais c'est une lettre proche du z. اهدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ اهدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ C'est-à-dire, il s'approche du z. Hein? C'est ce qu'on appelle ishmam ou sad. Inch'Allah, si on a le temps, on va parler de l'ishmam. Donc, c'est une prononciation intermédiaire entre le sad et le sin. Et ça, c'est riwayat khalaf an Hamza. Ihdina az-zirata al-mustaqim, zirata al-lazina an'amta alayhum, ghayri al-maghdubi alayhum, wala ad-dallin. Remarquez avec moi, quand j'ai prononcé zirat avec ishmam al-sad, j'ai prononcé juste après alayhum. J'ai pas dit alayhim, parce que qira'at Hamza, c'est comme ça. Si je dis alayhim, je vais mélanger deux qira'at. Et je tombe dans l'erreur. Un qari averti qui connaît, il dit, écoute mon frère, tu t'es trompé. Tu as mélangé deux qira'at. D'accord ? Alayhum, c'est qira'at Hamza Zayyat, rahimahullah. Et c'est une qira'a mutawatira, ça vient rapporté par des chaînes multiples de rapporteurs. Troisième condition, c'est l'authenticité de la chaîne des transmetteurs. C'est-à-dire que la qira'a doit être rapportée de la bouche d'un qari digne de foi, intègre, savant, qui a une forte mémoire, par un autre qari qui a les mêmes qualités et la chaîne remonte jusqu'au compagnon. Et il faut que le qira'a soit célèbre et connu des imams. Ça, c'est une autre condition imposée par les qura'a. Il faut que cette qira'a ne soit ce n'est pas une qira'a inconnue, même s'il est rapporté authentiquement. Il faut qu'elle soit connue des imams. Et Ibn al-Jazari l'a dit, certains contemporains exigent le tawatur pour authentifier une qira'a. Et il a répliqué que si le tawatur est établi, on n'a pas besoin des deux autres conditions. Le tawatur, c'est... Normalement, quand une qira'a est rapportée selon une chaîne multiple de rapporteurs, nous n'avons pas besoin de voir si elle est conforme à la langue arabe. Parce que elle est mutawatira, donc sûrement elle est conforme à la langue arabe. Ça, c'est le classement. On distingue. Il a distingué ce chapitre le mutawatir et il a distingué le mashhour. Le mashhour, c'est une qira'a dont les chaînes sont sûres, deux ou trois chaînes, c'est-à-dire il n'a pas atteint le degré du tawatur, multiplicité de chaînes. Si elle est conforme, si cette qira'a est conforme à la langue arabe et peut-être lue par la graphie du mushaf de Uthman, elle est acceptée aussi. Le mashhour, c'est littéralement célèbre. Le mashhour s'applique à certains mots du Coran. Certains mots. Rapportés par certains rapporteurs, certains qurra, certains rouats, et non par d'autres. On les trouve dans Taysir de Dani et le poème de Shatibi, et dans Kitab, dans d'autres livres. Ouayyat al-Nashr et d'autres. Bon, ça c'est le mashhour. Il y a aussi Qira'at al-Ahad. Ahad, c'est une seule chaîne de rapporteurs, une ou deux. Mais normalement, on emploie le nom Ahad à une Qira'at quand il n'est pas conforme au rasm ou à la langue arabe. Il est rapporté selon une ou deux chaînes, mais bon, il n'est pas conforme soit à la graphie, soit à la langue arabe. Il n'est pas célèbre et on ne la récite pas. C'est ça, normalement, Qira'at al-Ahad. On ne la récite pas. Tirmidhi, par exemple, et Al-Hakim y ont consacré un chapitre. On le trouve. Qira'at, c'est certains mots, pas tout le Coran, selon, comme les Qira'at de Al-Kisa'i ou Asim ou Nafi' ou d'autres. Ça, c'est qu'on dit Qira'at parfois, c'est juste la prononciation de certains mots. D'accord ? J'ai dit que Al-Hakim et Tirmidhi, ils ont cité certains qira'at dont la chaîne est sûre, mais qui sont ahad, c'est-à-dire rapportés selon un ou deux chaînes de rapporteurs et qui ne sont pas conformes soit à la langue arabe, soit à la graphie. Exemple, il y a un hadith de Asim al-Jahdari an Abi Bakra, an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qara'a muttaki'ina ala rafarifa khudrin wa abqariyin, Hussein. Vous savez, dans le Coran, on récite Muttaki'ina ala rafrafin khudrin wa abqariyin hisan. C'est surat al-Rahman, surat 55. Accoudés sur des verres coussins et de magnifiques tapis. Rafrafin khudrin wa abqariyin hisan, de magnifiques tapis. Muttaki'ina ala rafraf. Mais ce hadith-là, il rapporte que Abu Bakra, faut pas mélanger Abu Bakra avec Abu Bakr, beaucoup le font, malheureusement. Abu Bakra, c'est Abu Bakr al-Thaqafi. C'est un compagnon du prophète, il était esclave de la tribu de Taqif. C'est lorsque le prophète a fait le siège de Taif après la conquête de la Mecque. Il a crié, le prophète, celui qui sort de la forteresse qui se trouve dans Taïf, dans laquelle se sont retranchés les mécréants, il a dit, celui qui quitte cette forteresse, s'il est un esclave, je le libérerai. Et Abu Bakr, rahmallah, Abu Bakr, avec ta à la fin, il a sauté de cette forteresse et le prophète l'a affranchi, il a embrassé l'islam et c'est un noble compagnon. Donc c'est l'un des derniers convertis. C'est après Muslimat al-Fath, c'est après la conquête de la Mecque. Selon ce hadith-là, Abu Bakr, il rapporte que le prophète a récité Muttaki'ina ala rafarif khudrin. Ils n'ont pas rafraf, rafarif au pluriel, rafarif. Bon, c'est une qira'a, mais les imams ne l'ont pas accepté. Elle est authentique, mais ils ne l'ont pas accepté parce qu'il n'est pas conforme Je crois qu'il est conforme au RASM, mais il n'a pas été adopté. Il est rapporté selon une seule chaîne de rapporteurs. Il y a par exemple le hadith d'Abu Huraira. Abu Huraira le récite: Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Dans Surat Sajda, on récite: Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Jaza'an bima kanu ya'malun. Lui, il récite, Abu Huraira: Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Au pluriel. Cette qira'a n'a pas été acceptée. Il est ahad. Il est considéré comme ahad. Ibn Abbas, il a récité: Laqad ja'akum rasulun min anfasikum. Laqad ja'akum rasulun min anfasikum. Normalement, on récite: Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum. C'est l'avant-dernier verset de Surat Bara'a, Surat 9. Min anfusikum, lui, il a récité min anfasikum. Un envoyé issu de vous vous est venu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Mais si on respecte cette qira'a d'Ibn Abbas, un envoyé qui est l'un de vos précieux hommes, un de vos meilleurs, min anfasikum, un nafis, ça veut dire précieux, un de vos meilleurs hommes vous est venu. Et les exégèses, ils expliquent par exemple, ils citent cette qira'a. Ils disent voilà, pour appuyer certaines choses, pour expliquer certains versets, ben ils utilisent cette qira'a. Aïcha, il récite par exemple: Farouhun wa Rayhan. Farouhun. Alors qu'à la base, Farouhun wa Rayhan wa Jannatul Na'im. Dans l'Waqi'a. Et elle récite Farouhun wa Rayhan. Donc ça concernant les ahad. J'ai choisi des exemples comme ça. Certains exemples de ahad. Tout ça, bon, Suyuti, on parle dans ce chapitre. Seulement, je cherche parfois des exemples ailleurs. Il y a la qira'a marginale. Marginale, c'est hors norme, c'est-à-dire marginale, shadha. Sa chaîne n'est pas sûre. Et il y a des livres qui ont été écrits sur les qira'at marginales. Les savants se sont beaucoup intéressés aux qira'at shadha parce que certains qira'at sont célèbres et rapportés par d'éminents savants, mais elles ne remplissent pas les conditions requises. Ces qira'at sont utiles dans la compréhension des versets. Elles sont parfois plus authentiques, que certains hadiths. Certains ne sont pas sûrs, dont la chaîne n'est pas sûre, mais certains sont plus authentiques que cet hadith et ils sont adoptés par les exégètes dans l'explication de certains versets. Et Ibn Jinni, Al-Mawsili, il a écrit un livre sur ces qira'at. Il a appelé le Muhtasab. Le Muhtasab fi tabiyin wujuh shawadh al-qira'at wal-idahi anha. Il a fait un livre sur ça. Abu Amr Dani, il a écrit sur le qira'at shadha. Il a écrit sur les qira'at marginales. Suyuti, il a écrit une épître qui n'a pas été qui n'a été découverte que récemment. L'imam Suyuti, rahimahullah, il a écrit sur Shadh. Les qira'at marginales sont connues, les célèbres sont connus et ils sont fixés, sont au nombre de quatre. C'est qira'at ibn Muhaysin, qira'at Muhammad ibn Abdurrahman ibn Muhaysin, qui est mort en 123 de l'Hégire. Il a deux rouats qui rapportent sa qira'a, c'est le Bazzi qui est le rapporteur de la qira'a d'Ibn Kathir. Le Bazzi, c'est le disciple d'Ibn Kathir. Et Ibn Shanbouz, Mohammed ibn Ahmed ibn Ayyub, qui est mort en 328 de l'Hégire. Ça, c'est qira'a d'Ibn Muhaysin. Ibn Muhaysin, sa qira'a, elle est très belle. Mais Ibn al-Jazari, il a dit à propos de la qira'a d'Ibn Muhaysin, il a dit: si elle était conforme au mushaf, au masahif de Uthman, je l'aurais ajouté aux trois. Ibn al-Jazari, il a dit: je l'aurais ratifié. Et c'est usul, c'est farj, c'est isnad sont fixés, sont très bien structurés, très bien établis par Ibn Muhaysin. Mais malheureusement, il n'est pas. C'est pour vous montrer la rigueur de ces hommes. C'est pas par passion qu'ils choisissent une qira'a. Donc, Ibn Muhaysin. Il y a l'autre qira'a shadha de l'Yazidi, Yahya ibn al-Mubarak. C'est les morts en 202. C'est un muqri, tiqa. C'est digne de confiance. Il a deux. Cette qira'a est rapportée par Suleyman et par Ahmed ibn Faraj. Ahmed ibn Farah. Il y a la qira'a de Hassan al-Basri. Hassan al-Basri, c'est un imam. C'est l'imam de son époque. Hassan al-Basri, il est mort en 110 de l'Égypte. Hein? Les rouates, ceux qui ont rapporté sa qira'a, sont Shuja ibn Abi Nasr. Et Dori. Dori, c'est l'un de ceux qui ont rapporté la qira'at de Ibn al-Ala, d'Abu Amr Ibn al-Ala. Il y a aussi le quatrième, c'est l'A'mash. Qira'at l'A'mash. A'mash Suleyman Ibn Mihran. C'est un grand imam, l'A'mash. Et sa qira'at est rapportée par Al-Hassan Ibn Sa'id al-Mutawi'i et par Abu al-Faraj al-Shanbouzi al-Baghdadi. Il y a les fausses qira'at, qira'at al-Batila, sans chaîne de transmission. Qira'a sans tête ni queue, rien. Comme la qira'a du Khalaf al-Ahmar, connue pour ses fabulations. Hein? Qira'a sans chaîne, ni qari, ni. Comme. Khalaf al-Ahmar, en plus, c'est vraiment. Il est une tête en langue arabe. Mais il fabule, comme par exemple, وما كان استغفار أبي وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إلا عن موعدة وعدها إياه. La sourate, le verset que vous connaissez dans le sourate Tauba. Et si Ibrahim avait demandé pardon en faveur de son père, c'est uniquement à cause d'une promesse qu'il lui avait faite jadis. Et lui, comment il récite ça? Comment il récite ce verset? Il dit: وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا أَبَاهُ. Il ne dit pas إِيَّاهُ, il dit وَعَدَهَا أَبَاهُ. وَعَدَهَا أَبَاهُ, si je traduis, bon, c'est uniquement à cause d'une promesse qu'il avait faite à son père. Ça tient en langue arabe. Ça tient en langue arabe. La graphie l'accepte. La graphie de Othman accepte cette qira'a. Il n'y a pas de différence, seulement dans les points diacritiques. Il y a deux points en bas pour Iyah, il y a un point en bas pour Aba. Mais elle est sans isnad, elle est sans chaîne de rapporteur, il n'y a pas un qari qui a précédé Khalaf al-Ahmar dans cette qira'a. Il y a des qira'at, il y a une qira'a faussement attribuée à Abu Hanifa. Comme la récitation du verset, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. C'est comme ça qu'on la récite. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Lui, on lui attribue cette qira'a, on lui attribue innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. C'est-à-dire que c'est Allah le sujet. Allah, c'est Allah qui craint les savants, ce qui est faux. Allah ne craint personne. Attribuer la crainte à Allah, c'est une, hein, c'est une énormité, c'est une énormité. C'est une parole blasphématoire. Ça touche les. C'est comme si on attribue à Allah subhanahu wa ta'ala l'imperfection. On touche, c'est la perfection de ses noms et de ses attributs, de son exemption de tout ce qu'il ne saurait être qualifié. De lui attribuer la crainte, c'est une qualité d'imperfection. Donc cette qira'a est fausse. Elle est fausse et elle est faussement attribuée à Abu Hanifa. Donc voici différentes sortes. L'imam Souhaité l'a ajouté une sixième sorte de qira'a. Il a dit: وظهر لي سادس يشبهه من انواع الحديث المدرج وهو مزيد في القراءات على وجه التفسير قراءه سعد بن ابي وقاص وله اخ واخت من ام من اخرجه سعيد بن منصور. Il a cité, il a dit: j'ai trouvé une sixième sorte de qira'a, c'est ce qu'on appelle la qira'a qira'at, ce qu'il a appelé al-mudraj. Al-mudraj, c'est quoi? Il a dit comme dans le hadith. Comme dans le hadith. Le mudraj, c'est le verset auquel est mélangé, auquel on a ajouté un propos d'un compagnon, auquel le compagnon a ajouté une phrase ou un commentaire, une explication, ou je sais pas, c'est-à-dire quelque chose qui ne fait pas partie, mais qui est collé au verset. Comme le mudraj dans le hadith. Il a dit, Il a dit Yushbihuhu min anwa'i al-hadith al-mudraj. Parce que le hadith, dans la nomenclature du hadith, il y a ce qu'on appelle al-mudraj. Anwa' al-hadith. Sahih, da'if, al-hasan, al-mawdou', al-mawquf, al-mu'dal. Et il y a al-mudraj. Al-mudraj, c'est quoi? Al-mudraj, c'est quand un rapporteur rapporte ce qu'a dit le prophète sallam, et puis il y ajoute quelques paroles de lui-même, et puis un commentaire, et puis le rapporteur qui rapporte le hadith de sa bouche, il confond, il tombe dans la confusion, c'est-à-dire il mélange les propos du rapporteur et les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'exemple du hadith d'Abu Huraira, où il dit que le jour de la résurrection, les gens les gens de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, les gens de ma communauté, je vais les reconnaître par la blancheur dans les mains, le visage, enfin dans les mains, les pieds et le front. Comme les chevaux qui ont une blancheur dans le front et les pattes. Hein. Ils vont le prophète sallallahu alayhi wa sallam va reconnaître sa communauté par ces signes-là. Hein? Il va voir que leurs mains, leur visage ou leur front est blanc. Ça, il a dit Ghurran muhajjali min athar al-wudu. Enfin, cette blancheur est due à quoi? Est due aux ablutions, parce qu'il faisait les ablutions. Donc, il y a une lumière qui sortait des mains et des pieds et du visage, parce qu'ils ont été touchés par l'eau des ablutions. Hein? C'est bon. Et Abu Huraira, il a dit, celui qui veut ajouter, qui veut aller plus loin dans cette blancheur, qu'il le fasse. Ça veut dire que s'il lave les mains jusqu'au coude, il peut aller loin jusqu'à s'approcher de l'épaule. S'il lave le visage, il peut aller loin jusqu'au cou pour prolonger cette blancheur. Hein? فمن استطاع من أراد منكم أن يتم غرته فليفعل. Qu'il n'hésite pas à le faire. Les rapporteurs, quand ils ont cité, ils ont mélangé les propos d'Abu Huraira avec les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit ça, n'a pas dit celui qui veut prolonger sa blancheur qu'il le fasse. C'est Abu Huraira qui l'a dit. Ce n'est pas une parole qui remonte au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est un mélange entre la parole d'un compagnon et le hadith prophétique. Et c'est ce qu'on appelle le mudraj. C'est ce qu'on appelle le mudraj. Là, Suyuti, il a dit, j'ajoute un sixième, parce qu'on ne le trouve pas, Allahu a'lam, on ne le trouve pas dans Nasr ibn al-Jazari, dans d'autres livres. C'est Suyuti, il l'a ajouté dans l'Itqan. Il a dit, wa dhahara li sadisun yushbihu min anwa' al-mudraj. Et il a cité comme dalil, il a cité comme exemple, ka qira'ati sa'd ibn abi waqas, wa lahu akhun wa ukhtun min ummin. Hein? Dans le, vous savez, dans Surat al-Nisa, les versets sur la succession, sur l'héritage. وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَ السُّدُسَ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ. Et les versets sur l'héritage. Et là, Allah subhanahu dit وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَ السُّدُسَ. S'il a un frère ou une sœur, alors chacun des deux revient le sixième. Le sixième de quoi? Le sixième de l'héritage. Le sixième de l'héritage. Et Sa'd ibn Abi Waqqas, il dit, s'il a un frère ou une sœur d'une même mère, il a ajouté d'une même mère. Or, ce propos, il est mudraj, il est ajouté au verset. Et aussi quand, par exemple, Ibn Abbas, il récite, il dit, « Laysa alaykum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. » Ibn Abbas, il récite, il dit, nul grief à vous faire si vous quêtez une grâce de votre Seigneur. Lui, il récite comme ça. Laysa alaykum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Et il a ajouté, fi mawasim al-hajj. Hein? Nul grief à vous faire si vous quêtez une grâce de votre Seigneur. Ça, c'est le verset de la Surat al-Baqarah. Ibn Abbas, il a ajouté, lors des saisons du pèlerinage. Et ce hadith-là se trouve dans le Bukhari, il est authentique, c'est-à-dire que cette qira'a se trouve dans le Sahih al-Bukhari, que c'est vraiment Ibn Abbas l'a dit. Hein? Ibn Abbas l'a dit. Et ça, on l'appelle le mudras, ça veut dire une parole de Ibn Abbas ajoutée au verset. Si vous nul grief à vous faire si vous quêtez une grâce de votre Seigneur, ça veut dire qu'il vous est licite de faire le commerce, la vente et l'achat lors de la saison du pèlerinage, il est autorisé. هي اوسي القراءة قراءة ابن الزبير ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويستعينون بالله على ما أصابهم. لو فيرسي سي ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. Qu'il soit issu de vous une communauté qui appelle le bien, يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف, ils ordonnent le convenable, وينهون عن المنكر, ils prohibent le blâmable. Et là, Ibn al-Zubayr, dans sa qira'a, il a ajouté ويستعينون بالله على ما أصابهم. Ils se soutiennent mutuellement, ou ils sollicitent l'aide d'Allah, ils sollicitent l'aide d'Allah pour les épreuves qu'ils subissent. C'est bon. Et Omar ibn Khattab, il a dit, je ne sais pas si c'est la Saqara ou si c'est une explication. Mais ce qui a été ajouté à un verset, normalement, c'est une explication et non pas une qira'a, comme a dit Ibn al-Anbari. Ibn al-Jazari l'a dit aussi. Il a dit que les compagnons savent faire la différence entre ce qu'ils ont reçu de la bouche du prophète comme révélation et le reste. Ce sont des explications qu'ils mettent dans leur mushaf personnel. Comme par exemple, un frère ou une sœur utérin ou d'une même mère, ça c'est une explication. Et c'est vrai que le frère et la sœur doivent être utérin pour cette succession-là. Donc ça explique. Et comme Ibn Abbas il dit que nul blâme à vous faire, nul reproche ne vous sera imputé sur vous, si vous quêtez une grâce de votre Seigneur, et qui ajoute lors des saisons du pèlerinage, ça c'est une explication. Donc ce sont des explications. Ils ajoutent, même si c'est, ils ajoutent ça au verset. Ils savent faire la différence entre un verset du Coran et l'explication. Ça, même les talabat al-ilm et tout, le cheikh récite, il cite un verset comme dalil. Eux, ils citent le verset et puis avec le même stylo, avec la même encre, ils marquent l'explication. Enfin, ils savent faire la différence entre ce qui est Coran et l'explication, et même entre le hadith et son explication. C'est bon? Bon, inchallah, je vais parler du reste la prochaine fois, bi'idnillah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.